Le restaurant Midas de Saint-Félicien fête son 50e anniversaire et pour le mois de mai, on vous offre 3 morceaux de poulet frit avec sauce, frites, salade de choux, pain et Coca-Cola pour seulement $7.50 plus taxes. Du poulet frit à ce prix-là, on serait fou de s'en passer. Livraison 418-679-0900. Le restaurant Midas fête ses 50 ans au 1084 route 169 Saint-Félicien. Venez fêter avec nous en profitant de ce rabais du mois de mai sur le poulet frit. 3 morceaux, 7,50 plus taxes. On va parler de la Coupe Memorial avec Michel Dugas. Gros match ce soir pour les Huskies de Rouyn-Noranda qui affrontent le Storm de Guelph. Guelph qui avait gagné 5-2 le samedi passé contre les Huskies. On en parle avec Michel Dugas. Salut Michel. Salut Danny. Michel, ce qui retient l'attention par contre, c'est le match bris d'égalité. L'équipe vient de subir une défaite puis est toute heureuse à passer en finale. Ça laisse plutôt perplexe. Ça laisse perplexe, mais on peut les comprendre, les Moussettes d'Halifax, parce que évidemment, c'est un système de calcul très complexe là où on additionnait les buts pour et les buts contre qu'on divisait par les buts pour. Je vous fais grâce des détails parce que c'est vraiment compliqué. Mm. Mais tout ça pour dire que en marquant 3 buts en deuxième période, les Moussettes s'assuraient à toutes fins utiles là, d'une place en finale. Et ça, évidemment, là, ben ça donne des situations paradoxales comme celles qu'on a vécues mercredi. Alors que les Huskies ont remporté le match. Mais les Moussettes jubilaient parce que ils venaient d'apprendre là, qu'ils étaient qu'ils participaient à la finale. Donc, en quelque part, on peut comprendre là, qu'ils étaient contents de perdre, mais en même temps, ben c'est un système là, évidemment qui est parfait, mais qui est un. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à refaire ou c'est vraiment, écoute, il n'y a pas de système idéal dans le fond? Il n'y a pas de système idéal, ça, je suis d'accord. Par contre, il faudrait, si on voulait quelque chose de vraiment équitable, ça prendrait une réforme en profondeur du tournoi de la Coupe Memorial et peut-être même un retour en arrière. Ce qui provoque cette situation-là actuellement, là, les gens l'oublient peut-être, mais c'est le fait qu'on a ajouté depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, là, une ville au Texas. Les premiers temps de la Coupe Memorial, c'était pas compliqué. C'était le champion de l'Ontario, le champion de l'Ouest, le champion du Québec qu'on faisait. On lui mettait dans un endroit précis. Je me rappelle que ça a déjà eu lieu à Montréal à quelques reprises. Ouais. Et chacun affrontait l'autre deux fois. Okay. Donc, tu jouais 6 matchs, mais le classement à ce moment-là, ben, les buts d'égalité étaient plus difficiles. Par la suite, on a mis une formule où il y avait une vidéo test puis un bris d'égalité. On a vu des situations comme en 2002 et mon coach de Val-d'Or ici, Mario Durocher, nous en a parlé, où il avait participé à Coupe Memorial avec l'éthique de Victoriaville, mais il avait passé le vendredi par un bris d'égalité, le samedi par une demi-finale, puis est arrivé le dimanche final contre l'Aide de Coutigny, où son équipe avait plus de jambes du tout. Donc, ça a donné une finale pas très intéressante. Donc, comme je le dis, là, il n'y a pas de système parfait. Maintenant, là, on vit avec le système de la ville hôtesse, mais là, faut vivre avec ce système-là. Ça donne des situations étranges comme ce qu'on a vécu mercredi. Moi, j'irais quelque chose de bien plus incroyable, là, mais je sais que ça n'arrivera jamais. Tu sais, le March Madness, tu connais ça aux États-Unis? Oui. OK. Tu prends les 60 équipes de la quinzaine de hockey puis tu fais un gros tournoi à la ronde style March Madness. Je sais que ça n'arrivera pas. Je sais que c'est. Ce serait dur, question de voyagement, mais ainsi de suite, mais qu'est-ce que ça pourrait faire comme... ce serait spécial, pareil. C'est sûr. En fait, le problème de tout ça, c'est que tu rendrais toute une saison avec aucune signification. Ouais. Parce que si on joue là, à ce moment-là, ben ça vaut plus la peine de bouillir la saison. De toute façon, Madness ou World, comme ça. Comme je le disais tantôt, et j'y reviens, il y a un système de paix. Ce qui fait en sorte que ce soir, le Huskies de Rouyn-Noranda, pour la première fois depuis le début des séries éliminatoires, font face à l'élimination. Il faut le rappeler, ça, parce que lors des séries de la LHJMQ, ils n'ont jamais perdu 3 matchs, donc ils n'ont jamais fait face à l'élimination. Mais là, ce soir, s'ils perdent, c'est bonsoir la visite. Guelph s'en va en finale contre Halifax. Oui. Et tu confies quand même, certainement que le match de l'autre jour, ils vont certainement essayer de. Ils vont certainement essayer de battre le Storm. Ben, je pense qu'il y a deux facteurs importants là, qu'il faut regarder. Le premier, c'est que la nervosité est partie. Ouais. Le premier match, là, les Huskies, entendons-nous, ne se sont pas présentés contre le Storm parce qu'ils étaient pétrifiés par la nervosité. Mm. Ils avaient la pression parce qu'ils partaient favoris, tout d'abord. Mm. Donc, en partant favoris, bien évidemment, la pression était sur eux. Donc, on était un peu surpris là, par le Storm, que tout le monde voyait comme l'équipe Cendrillon. Personne n'y voyait là. C'était les 67 d'Ottawa qui devaient être là à l'origine, selon les pronostiqueurs. L'autre chose, c'est que et le deuxième facteur s'appelle Jacob Neveu. Les gars, moi j'ai parlé avec le descripteur des matchs du Husky, Jean-Paul Charlebois, ouais. C'est la semaine passée. Et puis Jean-Paul nous disait que c'était les joueurs, évidemment avec la blessure, là, Jacob Neveu a vraiment pris une pour l'équipe pendant les séries, là, blessure à la mâchoire. Mm. C'est un joueur de 20 ans, un gars de Rouyn-Noranda. Donc quelqu'un, là, les joueurs veulent la gagner pour lui. Okay. Ils veulent vraiment une Coupe Memorial pour Jacob. Jacob a déjà une Coupe du Président. Là, il en a une deuxième, mais là, on veut aller chercher vraiment la Coupe Memorial pour lui. Okay. Donc, ça a un effet rassembleur, il faut dire. Nick Suzuki, mon ami Joe Hardy, cette semaine, qu'il ne jouerait jamais dans la Ligue nationale. Tu l'as vu un peu. Es-tu d'accord avec Joe? Moi, je suis pas d'accord du tout avec. Là. Le gars a quand même prouvé, hors de tout doute, que c'est lui qui a transformé le Storm de Guelph. C'est le meilleur attaquant à la Coupe Memorial. Difficile de dire ça, hein? Écoute, je vais te nommer un nom ou deux, là. Je vais te nommer Simon Gamache, puis je vais te nommer Patrice Lefebvre. Oui, ça dit quelque chose, c'est vrai. Oui, Simon Gamache, Gamache a été repêché par Atlanta, jamais joué dans l'Union nationale. A joué quelques matchs. Quelques joueurs, Patrice Lefebvre trop petit. Ben, c'est ça. Trop petit ou encore des joueurs qui plafonnent. Ben, on ne peut pas prédire ça encore dans le cas de Nick Suzuki, mais Joe Hardy s'est probablement basé sur ce genre de facteurs-là pour étayer ses dires. Là. Ben, Joe disait que c'est pas fou ses arguments, c'est qu'il peut pas jouer sur le troisième et quatrième trio, il faut qu'il joue sur les deux premiers trios, puis sur les deux premiers trios, il est trop petit à 5 et 9. C'était ça, c'est les arguments. C'est pas des mauvais arguments non plus là, pour dire ça. Ben, à ce moment-là, on peut parler de Théorène Fleury ou de Martin Saint-Louis. Ouais. Est-ce que ça a empêché ces gens-là, ou même si on veut être plus proche, là, Brendan Gallagher avec le Canadien n'est pas nécessairement de plus gros gabarit. Là. C'est des gars qui sont quand même capables de tenir leur bout dans la Ligue nationale. Maintenant, est-ce que Nick Suzuki a le chien, a le caractère de tous les joueurs que je viens de vous nommer? Ça va rester à prouver. C'est ça qu'il aura à prouver s'il veut véritablement faire une carrière intéressante dans la Ligue nationale. OK. Michel, on s'en reparle peut-être lundi pour la Coupe Memorial si les Huskies ont remporté le gros tournoi. Ben, absolument. Je vais attendre de tes nouvelles, mon cher Danny. Michel Dugan, notre collaborateur de la Ligue de hockey, Chemin du Québec.